Pour le mois de juin, Dolboito vous offre de choisir un camion qui travaille plus fort pour vous. Soit le Silverado 1500 Deluxe à cabine multiplace à 15% de rabais sur les modèles 2019. Venez voir notre vaste choix de camions offerts à tous les budgets. Dolboito, au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. On va parler de golf. Il y a le club de golf de Chambord, très méconnu des gens du lac Saint-Jean, qui œuvre depuis quand même plusieurs années. Et il y a quand même, j'ai regardé un article de l'Étoile du Lac, il y a quand même 125 joueurs de golf et membres qui sont à Chambord, qui œuvrent à ce terrain-là. Question de savoir, le connaître davantage, l'histoire et ainsi de suite, si ça va bien financièrement. On parle avec un des membres, Gilles Léveillé. Bonjour, M. Léveillé. Bonjour, mon cher monsieur. M. Léveillé, si on parlait un peu de ce club de golf de Chambord, d'abord, ça fait longtemps qu'on entend parler. C'est-tu un 9 ou un 18? Ici, présentement, on a un 18 trous depuis le début. Donc, les deux, trois premières années, c'est un 9 trous. Mais il s'est joint un deuxième 9, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'on a un 18 trous. 18 trous, ça coûte... Il me semble qu'à Dolboum, c'est signé, il y a un 9 trous, puis c'est difficile année après année de rentabiliser ça. Comment vous faites pour rentabiliser un 18 trous avec quand même avec si peu de membres? Puis de la façon... Ben, regardez, nous autres, là, on est trois propriétaires qu'on a acheté le terrain de golf, puis on l'a construit nous autres mêmes. Fait que ça, tout de suite là, ça a coûté pas mal moins cher pour le construire. Après ça, ben on est les trois mêmes propriétaires qui travaillent soit sur le terrain ou dans le chalet ici. Fait qu'on sauve encore des employés. Et puis le prix de la carte de membre est abordable pour tous les membres. Fait qu'on a 125 membres, mais ils joignent des gens qui sont pas membres du club qui peuvent jouer ici à tous les jours. Là. Okay. On appelle ça des green fees ou des parcours journaliers. Là. Oui, mais comment, est-ce que dans l'ensemble, il est assez occupé? J'imagine que c'est un peu comme les autres terrains de golf dans le coin. Ça doit être, ça doit dépendre du beau temps. Hein? Exactement. On est comme les autres terrains de golf. Le golf, il y a eu une baisse depuis quelques années. Mais en général, ça va assez bien pareil. Tout dépendant de la belle température qu'on peut avoir. Là. OK. Les autres clubs de golf font se cassent la tête pour attirer du monde. Est-ce que vous avez des différentes promotions aussi? On est comme les autres clubs de golf. On se casse la tête aussi. Là. Comme je vous disais, il y a tellement d'autres sports. Le vélo est populaire. Les sports familiaux, c'est très populaire. Fait que nous autres aussi, là, on fait toutes sortes de tournois, toutes sortes de belles démarches pour avoir du monde, mais comme on disait tantôt, le golf a eu une baisse un peu partout. Mais on réussit à s'arracher les pieds pareils. OK. Si on parlait un peu du budget d'opération, il est de combien? Là, présentement, je pourrais pas vous dire ça exactement le montant. Mais donc, le prix pour venir jouer ici, là, un parcours 18 trous, il est de 20$ seulement. Là. OK. Mais si vous voulez jouer un 9 trous, c'est 12$. Vous voulez jouer un 18 trous, c'est 20$. Puis chez nous ici, bien, on n'a pas besoin de réserver. Vous arrivez, puis vous embarquez sur le terrain. Ça, à tous les jours, n'importe quelle journée de la semaine. OK. Donc, c'est une particularité aussi, là, vous faites. Exactement. Le fait de ne pas réserver... c'est une belle avantage. Vous arrivez puis vous embarquez. Puis ici, le terrain, ben il est court. On a un terrain de 4000 verges en tout. Tandis qu'un autre terrain normal est de 6300 et plus en verges. OK. Fait qu'ici, on a 4000 verges. Fait que faire le tour, un 9 trous, ça prend à peu près 1h15, 1h30. OK. Puis un 18 trous, ben, c'est 3h. Tandis qu'un gros terrain, c'est un petit peu plus, là. En général, ça va bien. Dans l'ensemble, les autres terrains de golf travaillent beaucoup sur les verts. Ils en font une fierté. Est-ce que vous autres aussi, les verts, c'est quelque chose que vous regardez? L'engrais aussi? J'imagine. Ah oui, c'est la même chose qu'un gros terrain de golf. Là. C'est exactement la même chose. Faut travailler fort pour les verts. Faut travailler fort pour les départs, les allées. Fait que ça coûte extrêmement cher, là. OK, OK. Là, vous avez fait une restructuration que je disais dans l'État du Lac, une restructuration pour éviter vraiment la fermeture. Est-ce vrai? C'est vrai. Comme je vous disais tantôt, on était trois actionnaires qu'on a mis des milliers d'heures là-dedans. Et puis là, ben là, la maladie a embarqué dans les deux des actionnaires. Et puis là, la fatigue, fait que là, on est venu sur le bord de fermer. Mais okay. Les membres ont dit non, on fermera pas demain. Fait qu'il s'est formé une coopérative. Okay. Fait que présentement, c'est le club de golf Chambord appartient à une coopérative. OK. Et la réponse a été bonne depuis que c'est une coopérative? La réponse est très bonne. OK. Dites-moi... Mais il faut continuer à travailler fort encore, là. Ben, c'est sûr, hein, parce que c'est pas un sport qui est en pleine croissance. Est-ce que vous faites de la publicité un peu pour pousser le club? Parce que c'est très méconnu encore, là. Oui, on a beaucoup de publicité, soit dans les journaux ou radio, mais comme je vous dis, on a acheté le terrain en 2001, fait que ça fait une quinzaine d'années que, oui, il y a de la publicité qui se fait dans les journaux, dans les radios, un peu partout. OK. Est-ce que vous faites des tournois un peu comme les autres, terrains? Oui, monsieur, on a beaucoup de tournois. On est capable de faire des réservations pour des réservations familiales ou toutes sortes de tournois. Comme je prends prochainement, on a le 6 juillet, on a le beau tournoi pour le Havre du lac de Robertval. Fait que c'est un tournoi qui va compter au-dessus de 100 joueurs. Fait qu'on est bien fiers de ça. OK. Fait que toute administration, mais toute personne qui veut organiser un tournoi, ils viennent nous voir pour on est capable d'organiser quelque chose. Est-ce que vous voyez comme un compétiteur des autres clubs de golf? C'est pas la même chose. Comme je vous disais tantôt, là, notre terrain est plus court, fait qu'on peut pas prendre tous les bâtons, mais malgré qu'on prend, on en prend pas mal, mais le terrain est plus court. Les gros frappeurs peuvent pas sortir le driver, le bois 1, ici, là. Okay. Mais on fait pas tellement de compétition. Nous autres, le but, c'était d'aller chercher la clientèle qui débute. Okay. Les jeunes mousses, avec les parents, ben les joueurs qui débutent, c'est un beau terrain pour ça, ici. Okay. Malgré que le bon joueur, il peut très bien jouer ici aussi, là. Ben oui, c'est sûr que c'est intéressant également. Donc, oui. Vous avez 125 membres. Avez-vous un plan pour les prochaines années pour essayer d'améliorer encore ça davantage? Bon, on travaille toujours pour essayer d'avoir... On essaie des nouveautés. On travaille tous les jours pour ça. OK. Ben, M. Léveillé, un gros, gros, gros merci. Au plaisir de se parler pour un autre tantôt. Ben, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc Gilles Léveillé, le responsable du club de golf de Chambord.